Lettre 113e, appelait sa Junia Marcella, Nicomédie, mai 305. Une lettre pressante du roi d'Arménie m'a invité à me rendre ici en toute hâte pour procurer à ta malheureuse amie la seule consolation dont elle est capable, celle d'avoir auprès d'elle un homme de sa foi. Je l'ai trouvée extrêmement abattue, mais résignée à la volonté du ciel. Avant-hier, elle a mis au monde une fille, la mère et l'enfant, que j'ai baptisé sous le nom de Larissa par l'ordre de son père, se porte aussi bien que les circonstances du moment le permettent, car nous n'étions pas sans crainte pour toutes les deux. Mais Théophanie ne néglige rien de ce que ses amis désirent pour la conservation de sa santé. Tu connais la source de son obéissance, et tu admires avec moi la force avec laquelle elle sait se faire violence. Hier fut le jour mémorable où, ensuite des démarches de Dioclétien, de Tiridate, des Joviens et de nombre de personnes de distinction pour obtenir de Galérius la permission qu'Agathoclès vit encore une fois sa femme et ses enfants, et il fut amené dans sa maison. Théophanie me demanda le matin de se confesser. Je trouvai quelque chose d'étrange dans cette demande, sa santé n'annonçant aucun danger. Cependant, je ne voulus pas lui refuser cette consolation. Elle remplit cet acte de dévotion avec contentement et courage. Lorsque l'heure approcha, où elle devait voir son époux, je remarquai qu'elle était très agitée. Elle pâlissait au moindre bruit qui se faisait entendre, elle était distraite et toujours inquiète. La reine d'Arménie entra dans sa chambre. Une légère émotion que je vis en cette dernière, malgré ses soins pour la maîtriser, et une pâleur qui ne lui est pas ordinaire, me firent supposer que le moment tant désiré et redouté arrivait. Elle s'approche du lit de Théophanie et lui dit avec une tranquillité forcée qu'Agathoclès arriverait vraisemblablement bientôt. « Il vient !» s'écria Théophanie avec une véhémence que je ne lui avais jamais vue. « Il vient !»« Oh mon Dieu !» L'agitation de Calpurnie augmentait aussi visiblement. « Tu connais, mon ami, lui dit-elle, les craintes puériles du tyran. Il croit n'être pas assuré de sa victime. Deux officiers l'accompagnent. Ils ont ordre d'examiner s'il n'y a aucune possibilité de faire évader Agathoclès. « Oh, laisse-les venir !» s'écria Théophanie. « Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ce qu'ils doivent, et ne les faites pas attendre !» Calpurnie sortit et rentra aussitôt avec deux centurions qui s'excusèrent auprès de la malade des devoirs pénibles qu'ils avaient à remplir. Ils visitèrent toute la chambre avec soin, mais avec les ménagements que méritait notre pauvre ami. L'examen fini, l'un d'eux se plaça en dehors d'une porte qui donnait dans une autre pièce, tandis que l'autre alla chercher leur prisonnier. Alors Théophanie se souleva assise sur son lit. Elle tremblait si fort que ses mains jointes frappaient l'une contre l'autre, une pâleur mortelle se répandit sur son visage, tandis que ses yeux attachés sur la porte brillaient de joie. La reine, presque aussi émue qu'elle, la soutenait dans ses bras. Nous entendîmes le bruit d'une chaîne qui tombait à terre. Les deux amis poussèrent un cri, et Agathoclès, enchaîné aux deux bras et à une jambe, entra. Théophanie prononça son nom en faisant une exclamation et se penchant en avant en ouvrant ses bras. Il se précipita vers elle et la pressa sur son cœur. Sa chaîne, assez longue, gênait peu ses mouvements. Calpurnie fondait en larmes, elle ne put y tenir, et s'arrachant de ce couple infortuné, elle s'enfuit dans un cabinet attenant. Je la suivis, elle se jeta sur un lit de repos, sans prononcer une parole, sans écouter ce que je lui disais. Elle s'abandonna à la plus violente douleur. Tout, au contraire, était silencieux et tranquille dans la chambre de nos amis. Environ une demi-heure après, un esclave vint me demander. Je me rendis auprès d'eux. Quel changement s'était opéré en si peu de temps et quel tableau frappa mes regards. Théophanie, calme et silencieuse, était penchée sur l'épaule de son mari. Une joie céleste était répandue sur sa physionomie. La nouvelle-née dormait paisiblement sur les bras enchaînés de son père. L'aînée, debout devant lui, lui tenait une main et de l'autre jouait avec ses chaînes en souriant de plaisir. Le visage d'Agathoclès portait l'empreinte d'un combat pénible et cependant d'un courage héroïque. Seulement, lorsqu'il regardait ses enfants, une expression déchirante se peignait sur ses traits. Alors ses yeux se fixaient sur sa femme et sa sérénité revenait par degrés. Il me tendit la main. « Nous nous revoyons pour la seconde fois, » me dit-il, « dans un moment bien triste. Vois-tu, ma Larissa, elle m'a été rendue, et moi ?»« Ah, tu me seras rendue aussi, » s'écria-t-elle, « et pour ne plus nous séparer. » Elle me prit ensuite de les faire communier l'un et l'autre. Il est préparé pour cette sainte action, me dit-elle. Les enfants furent éloignés et les deux époux reçurent avec résignation et attendrissement les symboles sacrés. Agathoclès se releva de la place où il s'était agenouillé. Je vis que ses traits s'altéraient, ayant les yeux fixés sur le clepsydre placé vis-à-vis de lui. L'officier entra pour lui annoncer que l'heure qu'on lui avait accordée était écoulée. « Écoulée ? » s'écria Théophanie. En même temps, l'agitation et l'angoisse qu'elle avait montrées auparavant se manifestèrent de nouveau. « Oui, elle est passée, » répéta Agathoclès à voix basse. « Je viens à l'instant, » dit-il à l'officier, qui ressortit. Il embrassa Théophanie, ensuite ses enfants avec un mouvement passionné. Le centurion rentra et il le suivit à l'instant même. Théophanie ne le vit pas sortir, elle était sans connaissance. Moi, je me rendis auprès de la reine d'Arménie pour la prévenir du départ d'Agathoclès, suivant les ordres qu'elle m'avait donnés. Elle se leva changée au point d'être méconnaissable. Elle me faisait signe de retourner auprès de Théophanie, mais elle eut besoin de mon bras pour passer le portique et se rendre dans l'atrium, où nous trouvâmes déjà Agathoclès, les fers aux pieds et aux mains, s'appuyant contre une colonne. Des sons plaintifs, des soupirs, des sanglots sortaient de sa poitrine oppressée. Calpurnie nous demanda de la laisser seule un instant avec lui. Les centurions et les gardes s'éloignèrent avec le respect dû à sa dignité. Elle lui dit quelques mots qu'il parut entendre avec peine et surprise. Il lui répondit et, s'approchant de moi, il me donna la main, me dit un éternel adieu et me recommanda sa femme et ses enfants. Les gardes revinrent, il se remit entre leurs mains et il disparut au milieu d'eux. Je me hâtai de rentrer auprès de Théophanie. Elle n'avait pas repris ses sens et depuis lors, elle a eu bien peu de calme. S'il m'était permis, j'implorerais du ciel que cet état d'insensibilité fût prolongé jusqu'au moment où Agathoclès cessera de vivre. Il est impossible d'obtenir de Galerius un plus long délai. Du moment que j'aurai quelque chose de positif à te demander, je t'écrirai. Jusque-là, adieu, prie pour ta malheureuse amie.